Le monde, ou ce que l'on est convenu d'appeler d'un autre nom, le ciel, sous la voûte duquel se déroule toute vie, doit être considéré comme une divinité naturelle, immense, sans commencement et sans fin. Rechercher ce qui est en dehors est sans intérêt pour les hommes, et au-dessus des conjectures de leur esprit. Le monde est sacré, éternel, immense, tout dans tout, et à bien dire, il est lui-même le tout. Infini, il semble être fini. Déterminé en toute chose, il semble indéterminé. Au dehors, au dedans, il renferme tout en lui. Il est à la fois l'œuvre de la nature et la nature elle-même. Il a la forme ronde d'un globe parfait, ce qui indique d'abord ce nom de globe que les hommes lui ont donné unanimement. Puis les faits le démontrent. Cette sphère donc, animée d'un mouvement éternel et sans repos, exécute sa révolution avec une vitesse indicible dans l'espace de 24 heures. C'est un fait sur lequel lever le coucher de soleil n'ont laissé aucun doute. Faut-il croire que le bruit produit par la rotation perpétuelle d'une masse aussi énorme est infini, et par là échappe à notre ouïe? C'est ce que je ne puis dire, pas plus que je ne dirai si le son produit par les astres qui participent à cette révolution tout en décrivant leurs orbes est un concert d'une harmonie et d'une suavité incroyables. Pour nous, qui sommes placés à l'intérieur, le monde, le jour comme la nuit, chemine en silence. Quant aux éléments, je remarque qu'il ne s'élève aucun doute. On en compte quatre. Le feu occupe la région supérieure. De là, tant d'étoiles, qui brillent comme autant d'yeux. Au-dessous vient le souffle, qui porte le même nom, d'air, dans notre langue et dans celle des Grecs. Il est porteur de vie, il pénètre à travers toute chose. Il n'est rien à quoi il ne soit uni. Par la force de l'air, la terre, avec l'eau, quatrième élément, est suspendue à un équilibre au milieu de l'espace. C'est l'entrelacement mutuel de ces éléments opposés qui en constitue le lien. Les substances légères sont retenues par les substances pesantes, qui ne leur permettent pas de s'élever. Et par compensation, les substances pesantes ne peuvent tomber, tenues en suspension par les substances légères qui tendent à monter. Ainsi, un effort égal en sens contraire maintient à leur place les choses, resserrées encore par le mouvement circulaire du monde que rien n'arrête. Dans cette révolution éternelle de l'univers, la Terre est au fond et au milieu de l'ensemble. Elle est le point cardinal du monde, tenant en équilibre ce qui la tient elle-même en suspension. De la sorte, elle est seule immobile, tandis que tout se meut autour d'elle. Elle a des liens avec toute chose, et toute chose s'appuie sur elle. Entre elle et le ciel, la même force de l'air tient suspendue à des intervalles réglés sept astres que nous appelons errants, à cause de leur marche, bien que rien ne soit moins errant que ses corps. Au milieu de ces astres roule le soleil, dont la grandeur et la puissance l'emportent sur tous les autres, et qui gouverne non seulement nos saisons et nos climats, mais encore les astres et le ciel lui-même. Il est la vie, ou plutôt l'âme du monde entier. Il est le principal régulateur, la principale divinité de la nature. C'est du moins ce qu'il faut croire, si nous en jugeons par ses œuvres. C'est lui qui donne la lumière aux choses et qui enlève les ténèbres. C'est lui qui éclipse et qui illumine les autres astres. C'est lui qui règle, d'après les besoins de la nature, les alternances des saisons et l'année toujours naissante. C'est lui qui dissipe la tristesse du ciel et qui même écarte les nuages jetés sur l'esprit humain. C'est lui qui prête sa lumière aux autres corps célestes. Admirable, sans rival, il voit tout, il entend même tout. Aussi est-ce, je pense, le fait de la faiblesse humaine que de chercher l'image et la forme de Dieu. Quel que soit Dieu, si tant est qu'il est différent du monde, et en quelque région qu'il réside, il est tout sensation, tout œil, toute oreille, toute âme, toute vie, tout lui-même. Croire qu'il y en a un nombre infini de Dieu, c'est passer les bornes de la stupidité. Quant à croire qu'il y a des mariages entre les dieux, sans qu'il n'en ait personne depuis un si long espace de temps, quant à s'imaginer que les uns sont âgés et toujours en cheveux blancs, les autres jeunes, enfants, noirs, ailés, boiteux, issus d'un œuf, vivant et mourant alternativement, ce sont là des rêveries presque puériles. Mais ce qui passe toute impudence, c'est de supposer des adultères entre eux, puis des querelles et des haines, et même de se figurer des divinités protectrices du vol et du crime. Dieu sait, pour l'homme, secourir les hommes. C'est là le chemin de la gloire éternelle. C'est dans cette voie qu'ont marché les plus grands des Romains. C'est dans cette voie que d'un pas divin marche maintenant avec ses fils le plus grand souverain de tous les âges, Vespasien Auguste, dont les mains soutiennent l'empire affaissé. Le premier Romain qui exposa publiquement la théorie des éclipses du soleil et de la lune est Sulpicius Gallus, qui fut consul en 166 de notre ère. Le premier qui s'en occupa chez les Grecs fut Thalès de Milet, dans la quatrième année de la 48e Olympiade, et prédit une éclipse de soleil qui arriva sous le roi Haliate l'an 170 de la fondation de Rome, donc en 584 avant Jésus-Christ. Après eux, Hipparque dressa pour 600 ans la table des éclipses du soleil et de la lune, déterminant les mois des divers calendriers, les jours, les heures, les lieux de la terre et les aspects, suivant les peuples. Le cours des ans ne lui a donné aucun démenti. Il semble avoir été admis aux confidents de la nature. Génie puissant et élevé, au-dessus de l'humanité, ils ont découvert la loi qui régit ces grandes divinités. Ils ont délivré de ses craintes l'esprit misérable des hommes qui, dans les éclipses, tantôt croyaient voir une influence malfaisante ou une espèce de mort des astres. Redoublez de génie, interprète du ciel, vous dont l'intelligence, embrassant la nature, a inventé une théorie qui vous a permis de vaincre les dieux et les hommes. Il est certain que, bien que l'éclair et le tonnerre soient simultanés, l'éclair se voit avant que le tonnerre ne s'entende. Cela n'est pas surprenant, car la lumière est plus rapide que le son.